vais-je réussir à m'épanouir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Yeah. I love you long time when you're on top of me. I love you as much as anyone could. Cause if there's anything you want, I'll probably get it. You tell me what you need, I'll try not to forget it. You need someone to blame, I'll say I said it. Whatever Dee Dee wants, she's gonna get it. Whatever Dee Dee wants, she's gonna get it. Whatever Dee Dee wants, she's gonna get it. Whatever Dee Dee wants, she's gonna get it. Whatever Dee Dee wants, she's gonna get it. C'est là que je me suis fait violence et que je me suis dit, il faut que je finisse en fanfare, que j'aille au bout de mon idée de ce que doit être la musique et le travail dans la musique. Et c'est pour ça que j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis lancé dans Born Bad et j'ai décidé de constituer mon propre label pour ne pas avoir de frustration et ne pas avoir d'amertume. Never ends. Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides. Like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Thank you. Bormann resta en contemplation durant plusieurs minutes, se demandant si Karl avait pu commettre une erreur. We'll be right back. Puis il s'aperçut que l'étoile se déplaçait selon un mouvement presque imperceptible. Elle pouvait se trouver encore à plus d'un million de milles, mais le fait qu'il pût la voir bouger prouvait qu'elle était très proche, à l'échelle stellaire. We'll be right back. then we could have some fun. Stay out all night long. Come on, little baby, let me take you out of your mind. Live in Jersey, so there's no reason to. Lorsque Poole le rejoignit sur la passerelle 6 heures plus tard, 7794 était des centaines de fois plus brillant, et il se déplaçait si rapidement qu'il ne pouvait plus subsister le moindre doute quant à son identité. Take your time, hurry up. plus, il n'apparaissait plus comme un simple point de lumière, mais sous l'aspect d'un petit disque pâle. Yeah. on te critiquait, on n'a pas lu ce rapport. Il y a quoi dedans, du coup, Carbone ? Eh ben, il y a des tonnes de préconisations pour que la radio se refasse une santé financière. Ouais. Dans la réalité. Alors, la Cour des comptes préconise la suppression d'un jour de la grille des programmes. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, il supprime un jour d'antenne. Ah. Bon, après, il nous laisse le choix du jour. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est pour nous diviser. Hein. Moi, je voudrais virer le dimanche, hein, si on a le choix. Stop! état d'esprit. Fais des tensions dans la nuit. Fais nos sixièmes chanter. quoi à la place, c'est pas... Bah là, il y a plusieurs hypothèses. Alors, rediffusion d'un autre jour de la semaine. Ouais. Voilà. Vente de tous les créneaux de la journée à une radio commerciale. Oh. We'll be right back. Ce qu'ils essaient de faire à RTU avec Radio Nova là, depuis quelques mois, ça a l'air de bien marcher, c'est pas mal. Non, non mais c'est grave, il faut qu'on se mette en grève là. C'est grève, c'est clair. Mmh. disco and Moscow. Tomorrow up in Quebec. On the bass here, he's been doing it for quite a long time now. One and only Robbie Tart, thank you. Drums here, this is a guy who started the band. I think we probably talked about it around Christmas 1975. We actually started rehearsing in February 1976. Did our very first gig supporting the Stranglers on March the 7th, 1976. So next year it'll be 25 years of the band. It's really only been off the road for a couple of years. On the drums in. But any more fuss, the one and only Eddie, thank you! Break a dirt jig. We'll stop by socket. forget about the best blade. The sharks will have got me by the wrist. Turn it cold and turn free first like the best. Watch it! In a face I write. But I won't fight just to break your plate. Million deer have bunched it. Deal war crimes and premeditated. I'll go right to the bullet with that rhyme for treason. I'll fall right here with a reason. The sharks will have got me by the wrist. Turn it cold and turn free first, I'm the best. Watch it, in a face I'm right. But I won't fight just to break your pride. With your judgment. Your judgment. Your judgment. Your judgment. Your judgment. A cliche. Why no paper? Simonin, ne faites donc pas de sottises aux gens ou je vous mets à la porte. Quelque pauvre que soit un client, c'est toujours un homme que diable, dit le premier clerc en interrompant l'addition d'un mémoire de frais. Sans garantie, même si la santé Le saute-ruisseau est généralement, comme était Simonin, un garçon de 13 à 14 ans, qui, dans toutes les études, se trouve sous la domination spéciale du principal clerc, dont les commissions et les billets doux l'occupent tout en allant porter des exploits chez les huissiers et les placer au palais. Il tient au gamin de Paris par ses mœurs et à la chicane par sa destinée. Cet enfant est presque toujours sans pitié, sans frein, indisciplinable, faiseur de couplets, goguenard, avide et paresseux. Néanmoins, presque tous les petits clercs ont une vieille mère logée à un cinquième étage, avec laquelle ils partagent les 30 ou 40 francs qui leur sont alloués par mois. We'll be right back. Made the cops look dumb on the borderline. Springer said, must be the mood of the times. Rudy said, we've got to be wise and we've got to get on. It's a security state operation. Rich get with a gun. I fight in Palestine against the PLO. Andrea said, she's not the girl that I used to know. We said we've got to be wise and doctor. It's a secure state operation, which get with a gun. Bottom line, huh? Bottom line, half. Bottom line, half. Baptism of fire.